السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبحمد الله تبارك وتعالى ومحض فضله وإحسانه نرجع إلى دروسنا في مسجدنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، كما أسأل تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس وهذه الأوقات مباركة علينا. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, nous revenons à nos cours dans notre mosquée. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir toutes ces assises et tous ces moments qu'on donne pour sa cause, afin qu'il nous accorde une science profitable et des actions pieuses. Wa mawdu'una qira'atu كتاب العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكتابه الداء والدواء. Quant au sujet, c'est un livre du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, plus connu sous le nom de Ibn Qayyim al-Jawziyya رحمه الله تعالى. Et ce livre a pour titre الداء، la maladie, waddawa, et le remède. La maladie et le remède. Dans la traduction, ils ont écrit péché et guérison. Quant à la traduction adéquate, c'est la maladie et le remède. Donc c'est mieux de l'appeler ainsi. Et nous avions lu de nombreux passages, tous aussi beaux les uns que les autres. Et l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a reçu la question d'un homme qui lui dit qu'il est dans un problème. Ce problème, c'est l'addiction à un péché. Il est dans un péché et il n'arrive pas à s'en séparer. Et à chaque fois qu'il fait les causes pour se repentir et pour le délaisser, il retombe dedans. Et il sait pertinemment que s'il reste dans ce péché, il va causer la perte de son bas monde et de l'au-delà. Alors il s'adresse à ce grand savant, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, et lui demande de l'aide. Et il lui demande de l'aide, car lorsqu'on a un problème, on revient aux gens de science, après avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim lui a répondu donc avec ce livre. Et la première chose qu'il lui a dit, des paroles qui vont développer son espoir en Allah, afin qu'il ne désespère jamais de sa miséricorde et de son secours, en lui disant « Li kulli da'in dawa ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque maladie a son remède. Ça, c'est la première chose à savoir lorsque tu es dans un problème, c'est qu'il y a une solution. Connais cette solution, une partie des gens, ignore cette solution, une partie des gens. Puis il l'a orienté vers ad-du'a et lui a enseigné comment faire ad-du'a et les causes pour que ad-du'a soit accepté et les causes qui font que ad-du'a est rejeté. Puis les moments propice à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la véracité dans le fait de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il nous a parlé du décret. et du fait que le bien est rattaché aux bonnes actions, tout comme les maux et le malheur sont rattachés aux péchés et aux mauvaises actions. Il nous a mis en garde également contre ce qu'on appelle muralatatun nafs, le fait que ton âme ne te trompe pas, na'am, avec les faux espoirs, et le fait de dire de toute façon Allah est pardonneur et miséricordieux, et le fait de dire madha, si je n'avais pas tous ces, si Allah ne m'aimait pas, ou si Allah était en colère contre moi, je n'aurais pas toutes ces richesses, tous ces bienfaits, ces enfants, cette santé, et ainsi de suite. Et il est entré donc dans notre sujet qui est les effets des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a montré que les effets des péchés ne sont pas restreints au pécheur lui-même, mais qu'ils ont un effet sur la terre sur laquelle il marche, les animaux qui y vivent, et même sur la pluie. Naam, même sur la pluie. Par ces péchés-là, Allah Azza wa Jal cesse de faire descendre la pluie dans cet endroit. On enlève la baraka à cause des péchés de cette personne-là. Iyadan billah. Plus encore, les personnes pieuses qui résident dans ces endroits-là où il y a les pécheurs, s'ils ne blâment pas les péchés, les pécheurs, ben le mal va s'étendre même sur leurs personnes. Ces gens-là qui, eux, sont pieux, adorent Allah Azza wa Jal avec crainte, ben le mal va les toucher et se répercuter sur ces personnes pieuses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le mal, ils ont vu le blâmable et ils se sont tus. Et ils se sont tus. Donc lorsque la punition d'Allah descend, que le châtiment d'Allah descend, il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Puis chacun sera ressuscité selon son intention. Comme dans le hadith d'Aïcha et dans le hadith d'Umm Salama, il nous est dit que puis Allah Azza wa Jal les touchera de sa pitié et de sa miséricorde. On va reprendre au passage dans lequel Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, nous cite la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous avertit contre les péchés qu'on a tendance à minimiser, qu'on voit petits. قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا إلى أرض فلاء فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى يجتمعوا أو حتى يجمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: faites attention aux péchés que vous minimisez, car elles se réunissent sur la personne jusqu'à l'anéantir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple en parabole. Il nous dit: c'est à l'image d'un groupe de personnes qui ont fait halte dans un endroit. Puis, ils veulent allumer un feu. Alors, l'un d'entre eux va chercher un bout de bois. Il le dépose. Puis, l'un d'entre eux va chercher un autre bout de bois. Il le dépose. Et au final, ils allument quoi? Ils allument un grand feu. Ben, l'image des péchés qui se réunissent sur la personne, c'est à l'image de plein de bouts de bois qu'on a réunis. Voyez-vous le feu que ça donne au final? Ben, c'est ça le résultat d'amasser un péché qu'on voit petit, puis un second, puis un troisième, puis un dixième. Ça amène à anéantir la personne, wal iyadhu billah. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Anas ibn Malik dit aux tabi'in: vous faites des actions au jour d'aujourd'hui que vous voyez plus minimes qu'un cheveu. Wa in kunna la na'udduha 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Alors que nous, à l'époque du messager d'Allah, c'est-à-dire les compagnons, nous les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les considérions comme des péchés qui causent l'anéantissement de la personne. Al-mubiqat, c'est le muhlikat. Au jour d'aujourd'hui, certaines personnes par exemple disent des mensonges. Al-kadhib, c'est une kabira min kaba'ir al-dhunub. Naam. Il dit, c'est un petit mensonge, c'est rien, c'est pour ceci, c'est pour cela. Il considère cela comme étant minime. Chez Sahaba, Al-Kadhib, c'est min al-Mubiqat. Al-Mubiqat, ça signifie Al-Muhlikat, celle qui anéantissent, celle qui détruisent la personne, qui anéantissent la personne. Naam. Ou bien la tricherie, ou bien la trahison, ou bien Al-Riba, ou bien le fait de parler sur un frère, sur l'honneur d'un frère, ou d'une femme, ou d'un homme. Au jour d'aujourd'hui, certains considèrent ça comme des petites choses. Au temps des sahaba, ça c'était al-mubiqat. Ça c'était al-mubiqat. Le fait de rater la salat. Naam. Le fait de rater la salat du fajr et la salat du isha. Au temps des sahaba, quand une personne n'était pas vue à ces deux salats-là, on avait peur, on l'a suspecté de faire partie des munafiqs. Al-munafiqin, au sujet duquel Allah dit inna al-munafiqina fi darkil asfal min an-nar. Les hypocrites seront plus profonds de l'enfer. Chez Sahaba, on le suspectait d'être un munafiq. Et à notre époque, yani la personne, elle ne voit pas de sa personne, elle, sur elle-même, que c'est un péché grave. Que c'est un péché grave. Donc nous, notre exemple, ça ne doit pas être une personne contemporaine. Pour vraiment prendre un bon niveau et une bonne place chez Allah, il faut que nos exemples, ce soient Sahaba. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, tu pourras voir ton niveau. Là, tu pourras voir ton niveau chez Allah subhanahu wa ta'ala. Amma le fait de te comparer aux gens de la masse, na'am, du pays, et te dire, ça va, moi quand même, je fais ça. Ça va, moi quand même, je prie à la mosquée de temps en temps. Ça va, moi quand même. Non. On regarde ce que faisait sahaba radiallahu anhu pour connaître notre place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le recueil de Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, عُذِّبَتْ إِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٌ. Une femme a été châtiée à cause d'une chatte. سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ. Elle l'a enfermée jusqu'à ce que la chatte soit décédée. Pourquoi? Le prophète sallam nous dit, فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارِ. Pour cela, Allah l'a fait entrer en enfer. Pour cela, elle est entrée en enfer. Du fait qu'elle l'a emprisonnée, ni elle lui a donné à manger ni à boire, ni elle ne l'a laissé sortir pour qu'elle puisse se débrouiller. Donc est-ce que à leur époque c'était considéré comme une chose grave? Non. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère contre elle et voici la finalité. Wa fil hilya li Abi Nu'aym an Hudhayfah annahu qila la fi yawmin wahid tarakat banu Israil dinahum. Il fut dit à Hudhayfah radiallahu anhu, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'en un seul jour, Banu Israël ont délaissé leur religion? Donc le peuple auquel a été envoyé Moussa alayhi salam, qala la. Hudhayfah a dit non. Lakinnahum kanu idha amaru bi shay tarakou, wa idha nuhu an shay rakibou. Il leur a répondu non. Mais lorsqu'on leur donne, on leur ordonnait une chose, ils la délaissaient. Et lorsqu'on leur interdisait une chose, ils la commettaient. حتى انسلخوا من دينهم كما انسلخ الرجل من قميصه. Jusqu'à ce qu'ils se soient dévêtus totalement de leur religion. Tout comme la personne enlève son qamis. Tout comme la personne enlève son vêtement. ومن هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر. Et c'est à partir de là que certains parmi les anciens ont dit les péchés mène à la mécréance. C'est-à-dire que la personne tombe dans une chose, ça l'attire vers une autre. Elle tombe dans une autre chose, ça l'attire vers une troisième. Jusqu'à ce qu'elle se rapproche du kufr wal-iyadu billah. La personne qui délaisse la salat, est-ce que du jour au lendemain elle se réveille et dit j'arrête la prière? On n'a jamais vu ça. Mais elle commence par quoi? Par délaisser la prière au masjid. N'est-ce pas? Elle commence par délaisser salat al-fajr. Alors, puis elle délaisse la prière au masjid. Puis, elle rattrape ses prières le soir. C'est-à-dire, elle prie à l'heure, mais pas à la mosquée. Puis elle délaisse les salats à l'heure et les rattrape en rentrant. Puis ça devient trop lourd. Puis elle se dit, vu que je prie pas à l'heure, ça sert à rien que je prie. Regardez comment Shaitan rentre. Et pas à pas la personne, elle sort du din. Pas à pas la personne, elle sort du din. Naam. Wal'iyadu billah. كما أن القبلة بريد الجماع. Donc les péchés mènent au à la mécréance, tout comme le fait d'embrasser la femme, ça mène à la fornication. Walrina baridu zina, tout comme la musique mène à la fornication. Walnazar baridu l'ishq, tout comme le fait de visionner des images ou de regarder la personne de sexe opposé, ça mène à l'amour passionnel. Ça mène à l'amour passionnel. Walmarada baridu l'maut, et tout comme la maladie mène à la mort. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, wa fil hilya aydan an Ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qala ya sahib adh-dhanb la ta'man su'a 'aqibati wa lima wa lamma yatba'u adh-dhanb wa وما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته وقلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا تطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله استغاث به مسكين على ظالم يدروه عنه فلم يعنه ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله تعالى. Ensuite, il nous cite une parole d'Ibn Abbas qui dit « Ô toi qui commets le péché, ne te pense pas à l'abri d'une mauvaise fin. Celui qui fait suite au péché est pire que le péché lorsque tu le commets. Ce qui fait suite au péché, ce qui va suivre les effets néfastes du péché, est pire que le péché lorsque tu le commets. Ton manque de pudeur face à ceux qui sont à ta gauche et à ta droite, ni les anges qui notent, lorsque tu commets le péché, est pire que le péché lui-même. Ton rire, alors que tu ne sais pas ce qu'Allah fera de toi, est pire que le péché lui-même. Ta joie de pouvoir accomplir le péché est pire que le péché lui-même. Ta tristesse de ne pouvoir accomplir le péché est pire que le péché lui-même. Et le fait que tu t'effraies du vent qui fait bouger le rideau de ta porte lorsque tu commets le péché, alors que ton cœur est insensible au regard d'Allah sur toi, est pire que le péché. Malheur à toi. Sais-tu quel fut le péché de Ayyub alayhi salam pour lequel il l'éprouva par la maladie et la perte de ses biens? Un pauvre chercha secours auprès de lui contre un oppresseur qui le réprimait, mais il ne lui vint pas en aide et n'empêcha l'oppresseur de commettre son injustice ainsi Allah l'éprouva. قال احمد رحمه قال الامام احمد رحمه الله حدثنا الوليد قال سمعت الاوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول رحمه الله لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر من عصيت وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. الامام الاوزاعي rapporte: j'ai entendu Bilal ibn Sa'd dire, ne considère pas la petitesse du péché, mais considère celui auquel tu désobéis. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde celui à qui tu désobéis. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah dit, plus le péché te semble petit, plus il est grand auprès d'Allah. Et plus il te paraît grand, plus il est petit auprès d'Allah. وقيل أوحى الله إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس وذلك أنه عصاني وإنما أعد من عصاني من الأموات. Et il fut dit qu'Allah a révélé à Moussa: Ô Moussa, sais-tu qui est le premier à être mort ou à être décédé parmi mes créatures, c'est Iblis. C'est Ash-Shaytan. Pourquoi cela? Du fait qu'il m'a désobéi. Et certes, je considère comme étant mort tous ceux qui me désobéissent. Wa fil musnad wa jami'i Tirmidhi min hadith Abi Salih an Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا ذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال حذيفة إذا ذنب العبد نكتت في قلبي نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهلون لهذا الأمر أي الولاية ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم أو يلحاكم كما يلحى هذا القضيب يلحى يعني إبلشي أو بيان نعم إبلشي يعني quand il y a une branche et on enlève comment on dit ça l'écorce نعم de la branche. طيب on rapporte que Moussa Abu Hurayra رضي الله عنه rapporte que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit lorsque le croyant commet un péché on inscrit un point noir dans son cœur. S'il se repent, cesse et implore le pardon, son cœur est poli, c'est-à-dire il est nettoyé. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir tout son cœur. C'est là la rouille mentionnée par Allah. Non, une rouille recouvre plutôt le cœur en raison de ce qu'il commettait. Hudhayfa radiallahu anhu a dit, lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur jusqu'à devenir comme une brebis noire aux taches rouges. Et Abdullah ibn Saoud rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô membres de la tribu de Quraysh, vous êtes les plus dignes de cette chose. C'est-à-dire avoir le commandement. Tant que vous ne désobéissez pas à Allah. Et si vous désobéissez à Allah, il enverra vers vous des gens qui vous briseront comme on brise ce bâton. Puis il brisa son bâton qui était pourtant blanc et solide. Allahu a'lam si la traduction est bonne, mais dans l'explication du hadith, na'am, c'est plutôt le fait de comment est-ce que j'ai dit? Yani d'enlever l'écorce du bout de bois. Vous voyez, quand on arrache une branche et que c'est sec, on peut enlever l'écorce. C'est ça le sens ici. Na'am, c'est ça le sens ici. Quant au sens cité dans la traduction, Allahu a'lam, c'est un autre sens. Mais, le ulama de qui on a entendu, c'est le fait d'ôter l'écorce de la branche. Rasulallah dit à Quraysh, vous êtes les plus en droit au commandement. Tant que vous obéissez à Allah. Mais si vous lui désobéissez, on va vous envoyer des gens qui vont vous enlever, tout comme on enlève. Et il avait dans sa main un bout de bois. Et il a enlevé l'écorce de la branche, et il a dit, tout comme on enlève l'écorce de la branche. Wa dhakara al-imam Ahmad, yani fi kitab al-zuhd, an Wahb, qala inna al-Rabb azza wa jal qala fi ba'd ma يقول لبني إسرائيل إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى cite dans son livre الزهد selon Wahb رحمه الله que le Seigneur عز وجل a dit à certains de Banu Israël: certes, lorsqu'on m'obéit, j'agrée. Et lorsque j'agrée, je bénis. Et ma bénédiction n'a pas de limite. Et lorsque on me désobéit, je me mets en colère. Et lorsque je me mets en colère, je maudis. Et ma malédiction atteint le septième enfant. C'est-à-dire dans la descendance. Ça, c'est un athar qui est cité ainsi. ذكر أيضا عن وكيع حدث زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما أما بعد فإن العبد إذا عامل بمعصية الله عاد حامد من الناس ذاما. عائشة écrivait à معاوية رضي الله عنهما: si le serviteur désobéit Allah, celui qui le louait le blâmera. Quand une personne est sur la droiture, elle reçoit les éloges des gens, et lorsqu'elle délaisse la bonne action et se met à commettre les mauvaises actions, ils se mettent à le critiquer. Et on verra dans les textes prochains que la personne désobéit Allah en privé, en cachette, et le lendemain elle se réveille avec une humiliation sur le visage, au point où il pense que les gens ont connaissance de son péché. Allahu Akbar. Au point où il pense que les gens ont connaissance de son péché alors qu'il a désobéi en privé. Alors qu'il a désobéi en privé. وذكر ابو نعيم عن سالم عن ابي الجعد عن ابي الدرداء قال ليحذر امرؤ ان تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ثم قال تدري مما هذا قلت لا قال ان العبد يخرو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ابو الدرداء رضي الله عنه ادي: fais attention à ce que le cœur des croyants ne te maudisse pas alors que tu ne t'en rends pas compte. Sais-tu d'où cela provient ? J'ai répondu non. Il m'a dit: le serviteur désobéit Allah en privé, puis Allah met dans le cœur de ses serviteurs de l'aversion ou de la colère contre cette personne-là. Contre cette personne. La personne en privé, elle désobéit Allah. Et Allah met dans le cœur des autres serviteurs quelque chose contre cette personne-là. Et on connaît tous le hadith: إذا حب الله عبدا نادى جبريل إنه يحب فلان. نعم. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. J'aime un tel, aime-le donc. نعم. Alors Jibril l'aime. Puis il appelle les gens des cieux, les anges: Allah aime un tel, aimez-le donc. Et il y a l'inverse aussi. Lorsqu'Allah déteste une personne, il appelle Jibril. Il lui dit qu'il déteste un tel, Jibril le déteste donc. Et il informe les habitants des cieux et il le déteste alors. Puis on met l'aversion à l'égard de cette personne dans le cœur des gens. Voilà qu'il y a Abdullah ibn Ahmad. Abdullah, c'est le fils de l'imam Ahmad. Rahimahumallah. Abdullah, c'est le fils de l'imam Ahmad. Rahmatullahi alayhima. Et l'imam Ahmad a des livres, comme le livre Az-Zuhd, comme son livre Az-Zuhd, comme son livre Al-Musnad. Naam. Et son fils Abdullah, qui était une personne de science, a ajouté des ahadiths et des textes à cela. Donc il a ce qu'on appelle ziyadat, il a des ajouts sur les livres de son père. Il a des ajouts sur les livres de son père et ils sont distingués, comme c'est le cas ici. Il y a عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته أصبته منذ 40 سنة. Le fils de Abdullah, le fils de Imam Ahmed rahimahumallah, dit que Ibn Sirin, un des grands pieux prédécesseurs, Muhammad Ibn Sirin, a dit: lorsque je me suis retrouvé endetté, j'ai été touché d'une grande affliction, d'un grand malheur. Et il a ensuite dit: je sais d'où vient ce problème. Il a été éprouvé. Il a dit: la cause de cela, c'est un péché que j'ai commis il y a 40 ans. Allahu Akbar. Il a dit: la cause de cela, c'est un péché que j'ai commis il y a 40 ans. Al-Sheikh Abd al-Razzaq nous dit, ici il y a un point très subtil qu'il faut prendre en considération. C'est que comme ils avaient très peu de péchés, lorsqu'ils avaient un problème, ils savaient ça venait d'où. Ils revenaient donc à ce péché et se réformaient. Mais celui qui a beaucoup de péchés et qui vit dans les péchés, comment est-ce qu'il pourrait savoir d'où provient son malheur? Pire encore, il est dans un malheur. Mais comme son cœur est malade, il ne sait même pas qu'il est blessé. Et comme on le lira, certes, le mort n'a plus de douleur lorsque tu le blesses. Ça ? Yani, si tu touches d'un couteau ou d'une épine, quelqu'un qui est mort, est-ce que yani, ça va lui faire mal ? Donc, toi qui es vivant, ça va te toucher. Toi qui es vivant, ça va te toucher. Donc, d'un péché qu'il a commis depuis 40 ans. Ne peut considérer cela et appliquer cela que celui qui vit cette vie-là. Une vie dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Une vie proche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième subtilité à prendre en considération. C'est que lorsqu'il a été éprouvé, vers quoi est-ce qu'il est revenu et qui est-ce qu'il a accusé? Dites-moi, sa propre personne. Subhanallah. Ça, c'est un ilm kabir jiddan. Celui qui a cette science-là, il a une science énorme. C'est que ce pieux prédécesseur a été touché par une épreuve. Et il n'a pas commencé à accuser les autres, à parler sur les autres. Il a commencé par lui-même, en se disant, si j'ai ce problème-là, c'est que j'ai désobéi Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim nous dit, celui qui se comporte comme ça, le malheur pour lui, ça deviendra un bienfait. Plutôt Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Sabr wa Shukr nous dit, celui qui se comporte comme ça, le malheur pour lui, c'est un bienfait. Pourquoi? Parce qu'il va revenir vers Allah, il va se repentir, chercher ses fautes, se réformer. Donc ça, c'est le comportement des anciens. C'est qu'ils ont excellé dans les bonnes actions, et malgré ça, ils se voyaient petits. Malgré ça, ils se voyaient pécheurs. Donc dès qu'ils étaient touchés par une épreuve, ils se disaient, c'est à cause de ses péchés. Ils se disaient, c'est à cause de ses péchés. Quant à ceux qui se voient parfait, pieux et qui méritant ce qu'ils ont de la part d'Allah, ils disent, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai... Yani la phrase en France, qu'est-ce que j'ai donc fait pour mériter cela? Hein? Qu'est-ce que tu as donc fait? Asayt rabbak. Tu as désobéi à ton Seigneur. Alladhi akramaka wa an'ama wa khalaqak wa razaqak. Celui qui t'a créé, donné, guidé, enseigné, donné ta subsistance. As-Allah yaghfira lana. Comme dit Cheikh Hayatul Mubaraka, wala yazakkuna anfusahum. C'était une vie bénie qu'avait la yani qui était la vie des pieux prédécesseurs et malgré ça, ils ne faisaient pas leurs propres éloges. Wa ha huna nuktatun daqiqatun yaghlatu fiha an-nas fi amri adh-dhanb. وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il y a un point très subtil sur lequel les gens font une erreur concernant le péché. C'est qu'ils n'en voient pas les conséquences. Alors ils ne s'inquiètent pas. Ils ne voient pas l'effet immédiat du péché. Alors ils se disent, c'est pas grave. C'est-à-dire, sur le moment, ils ne voient pas l'effet. Alors que les conséquences peuvent tarder et être oubliées. Le châtiment tarde à venir, pour une sagesse qu'Allah sait, et lui, il oublie qu'il a fait ce péché. Le serviteur pensant ainsi qu'il ne sera plus sali après cela, comme il est dit, si un mur n'est pas couvert de poussière en s'effondrant, il ne sera plus couvert de poussière par la suite. وَيَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ تَأْثِيرَهُ فِي الْحَالِ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ تَأْثِيرُهُ فَيُنْسَى وَظُنُّ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَا يُغْبَرْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ إِذَا لَمْ يَغْبَرْ حَائِطٌ فِي وُقُوعِهِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ غُبَارُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ كَمْ أَهْلَكَتْ هَذِهِ النُّكْتَةُ مِنَ الْخَلْقِ وكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المنديل على الغش والدغل. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, exemptez soit Allah de tout défaut. Combien ont péri à cause de cela? À cause de cette mauvaise façon de comprendre les choses, se dire, vu que j'ai pas eu l'effet du péché ni la punition, na'am, c'est que c'est pas grave ou c'est oublié. Combien cela fait disparaître de bienfaits? à cause de cette manière de faire, combien ont perdu les bienfaits d'Allah? Combien cela a-t-il provoqué de châtiments? Combien sont nombreux ceux qui ont été trompés par cela parmi, écoutez, parmi les savants, parmi les gens de l'élite? Que dire alors des ignorants? Que dire alors des ignorants? Cet homme trompé ne sait pas que le péché détruit, même après un long moment, de la manière que le poison, de la même manière que le poison détruit. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم من الموت واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. أبو الدرداء a dit adorez Allah comme si vous le voyez. Ça c'est darajatu. C'est quel niveau ça? Al-Ihsan. Adorez Allah comme si vous le voyez. Avec la perfection de l'amour. Considérez-vous parmi les morts. Yani, vis comme si tu allais mourir à chaque instant. Prépare tes provisions. Sache que ce qui est minime et vous suffit est meilleur que ce qui est considérable et vous amène à la transgression. Yani, d'avoir peu, avoir la suffisance et être dans le halal, c'est meilleur que d'avoir beaucoup, puis transgresser les limites. Et sachez que le bien ne s'use pas. Les bonnes actions et les biens, le bien ne s'use pas, ne disparaît pas, et que le péché ne s'oublie pas. Et que le péché ne s'oublie pas. À un moment, la personne est dans une épreuve, elle fait doua, elle fait toutes les causes, elle dit je comprends pas, j'ai tout fait mais ça bloque. À ce moment-là, il faut s'asseoir avec sa personne. Et il faut être sincère, il faut être véridique et chercher. Peut-être une prière décidée, délaissée, peut-être une prière bâclée, peut-être un proche oublié, des liens rompus, peut-être une parole qui a attristé ton frère alors que tu ne lui as pas accordé d'importance. Non. Peut-être un droit bafoué, peut-être un mauvais regard sur les parents, peut-être une injustice envers la femme, peut-être une parole non tenue à l'enfant, une promesse non honorée. Il y a une chose que tu as laissé passer comme ça et tu l'as oublié. Peut-être que ça a mis en suspens tout le khayr. Tu t'assois, tu médites, peut-être, tu cherches. Tu vas voir les gens, tu t'excuses, tu vas voir la personne, tu tiens ta kalima, tu te repens, tu cherches. Et bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal t'accordera ce qui t'était bloqué. Et sache que le péché ne s'oublie pas. Wa nazara ba'du al-'ubbad ila sabi fa ta'ammala mahasina. Un dévot, une personne qui fait beaucoup d'adoration, regarda un jeune homme et médita sur ses atours. On lui dit alors en rêve, tu en subiras les conséquences dans 40 ans. Yani la petite chose que tu ne vois même pas comme un mal, il se peut que tu en subisses les conséquences longtemps après. Qala Sulayman al-Taymi, inna ar-rajula la yusibu dhanba fi sir fa yusbihu 'alayhi madallatu. De la même manière que le péché a des conséquences à long terme. Il en a à court terme. Ainsi, Sulayman al-Taymi rahimallah a dit, l'homme commet un péché en secret et se lève en portant l'humiliation. La personne désobéit. Arrivé au matin, il a une humiliation sur sa personne. Et une qissa, un des anciens qui commettait des péchés. Quel était ce péché? Riba. La maza, l'usure. Il commettait l'usure, les intérêts, les prêts avec intérêt, les crédits avec intérêt, ainsi de suite. Ce péché devant lequel les gens, yani, ont du laxisme. Et tu trouves même des prêcheurs de l'égarement dire, dans tel cas tu peux, dans tel cas tu peux, dans tel cas tu peux, c'est pas grave. Et la religion c'est la facilité, ainsi de suite. Le fait de dire aux gens ce qui les ramène en enfer, c'est pas ça la facilité. La facilité c'est de leur dire ce qui les fait craindre Allah. Ce qui leur fait craindre Allah, qu'ils se repentent et restent sur la droiture. Faut pas mentir aux gens, tromper les gens, leur dire riba c'est halal, ça c'est halal, voler c'est halal, prier en dehors du temps pour le travail c'est halal. Là, ça c'est la difficulté. Parce que demain il va être dans sa tombe, tu ne pourras rien pour lui. Demain il va être devant son Seigneur, tu ne pourras rien pour lui et c'est toi la cause. Mais toi tu es responsable. Mais toi, tu es responsable. Cet homme est passé près d'un groupe d'enfants. Ce groupe d'enfants a dit « Oh, voici le vieux pervers, le consommateur de riba, le pécheur, et ils ont cité des péchés. Quand l'homme a entendu ça, ça l'a humilié. Il a dit, oh mon Seigneur, tu m'as humilié jusqu'à ce que les enfants se moquent de moi quand je passe dans la rue. Il est revenu vers Allah. Il s'est repenti. Et il adore Allah Azza wa Jalla. Par la suite, cet homme-là, lorsqu'il passait devant ses enfants, il se disait mutuellement, taisez-vous, voici le pieux, le dévot. Tout ça pour dire que, si tu obéis Allah Azza wa Jalla en secret, Allah va mettre l'amour dans le cœur des gens pour toi. Et si tu lui désobéis en secret, il va mettre l'inimitié dans le cœur des gens à ton égard. Et c'est Allah qui qallab les quloub. C'est Allah qui dirige les cœurs. Na'am, c'est Allah qui dirige les cœurs. La femme désobéit en privé, puis son mari a de l'aversion envers elle et ne la considère plus. Elle dit, mais comment ça se fait? Alors que je suis bien envers lui, alors que je... Elle ne sait pas, la miskina, que c'est dû à des autres péchés. Et lui, il rentre et elle lui fait des problèmes alors qu'il est innocent de ce qu'elle l'accuse. Et il se dit, mais pourtant je fais ça pour elle, je fais. Mais en vrai, ça n'a rien à voir avec elle. C'est dû à des péchés qu'il a à côté. Puis il se dispute avec ses parents, puis il se dispute avec un tel et un tel. Et il cherche et il voit qu'il est bien avec sa famille. Mais en réalité, c'est pas ça le problème. C'est dû à des péchés entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. On a donc mis dans le cœur des gens et de ses proches quelque chose à son égard. Et Yahya ibn Mu'ad, rahimahullah ta'ala, disait, عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له قيل وكيف ذلك قال يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو عفوا. Je m'étonne de l'homme doué de raison qui dit dans son invocation, oh Allah, ne réjouis pas l'ennemi à travers moi. Ça c'est une dua. Oh Allah, fais en sorte que l'ennemi ne trouve pas son contentement sur ma personne. Ton ennemi, il veut quoi? Il veut ta perte, tes problèmes. Ben, tu fais dua pour que ton ennemi ne se réjouisse pas de ce qui pourrait t'arriver. Cet homme dit, je m'étonne de la personne qui a toute sa raison. Elle fait cette dua. Oh Allah, ne fait pas en sorte que l'ennemi se réjouisse de ce qui pourrait me toucher. Puis, lui-même fait en sorte que ses ennemis se réjouissent. Vous avez compris? Il demande à Allah de ne pas mettre de faille pour que l'ennemi rentre auprès de lui et se réjouisse de son malheur. Puis il dit, de ses propres mains, il donne à l'ennemi de quoi se réjouir de lui. Alors l'homme lui a dit, comment ça? Comment est-ce possible? Il répondit, il désobéit Allah. Quand tu désobéis Allah, tu donnes le bâton à ton ennemi pour qu'il puisse te frapper. Naam. Vous savez quelle est la plus grande cause qui fait en sorte que l'injuste et réussissent à prendre le dessus sur toi? Est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande cause? C'est quand toi tu commences à transgresser. Ibn Taymiyyah a dit, tant que t'es opprimé, t'as le secours d'Allah. Les gens, ils aiment pas être les faibles, n'est-ce pas? Être le fort, même dans le zulm. Hein? Ils disent quoi? Moi je suis pas une victime. Hein? Vous connaissez cette phrase ou pas? Moi je suis pas une victime. Pour lui, être une victime, c'est subir. C'est pas ça être une victime. La victime, c'est celui que Shaitan a attaché. La victime, c'est celui dont les passions ont attaché. Naam. La victime, c'est celui dont les péchés ont alourdi, il est handicapé, il ne peut plus bouger, il ne peut pas adorer Allah, il ne peut pas faire une bonne action. Ça, lui, c'est une victime. Lui, c'est réellement une victime. Un faible. Il n'arrive pas à se lever, il entend Hayya ala salah, il n'arrive pas à venir. C'est une victime. Amma, celui qui est tout fin, tout maigre, et que les gens oppriment, parce qu'il n'a pas de tribu, famille, amis, fort, et il rentre ici, personne ne le connaît, alors personne ne défend lorsqu'il subit. Mais il est connu chez Allah, lui c'est pas une victime. La victime, c'est celui qui l'oppresse. Donc tu reçois le secours d'Allah tant que tu n'opprimes pas. Tu reçois le secours d'Allah. Dès que tu transgresses, tu donnes à ton ennemi la faille. Tu ouvres à ton ennemi la faille. Et en général, tu commences opprimé. Nous commençons opprimé et on finit injuste. Alors que si on étudie la sirah, comme on va reprendre dans 2 semaines, inshallah ta'ala, on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé la place de l'opprimé et jamais il n'est parti dans la transgression. Il faisait dua, il patientait. Ces gens-là qui l'opprimaient au final sont ceux qui ont donné leur vie pour le défendre. Hein? Sont ceux qui ont donné leur vie pour le défendre. Et avec le zulm, jamais tu recevras le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut rester dans les règles. Il faut rester dans les règles. Donc il désobéit à Allah et il réjouit ainsi au jour de la résurrection tous ses ennemis. Parce que Yom al-Qiyamah c'est en public. Yom al-Qiyamah c'est en public. Qala dhunnun man khana Allah fi sir hataka Allah sitrahu fi al-alaniyah. Celui qui trahit Allah en secret, Allah le dévoile en public. Et là les frères, on arrive à un tournant du livre. Depuis le début, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous parle de quoi et son but c'est quoi? Dites-moi. Naam. C'est pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, depuis tout ce temps-là, on lit d'Ibn Qayyim, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but de ce livre? C'est quoi? C'est de nous aider à délaisser les péchés. Ces péchés dans lesquels si nous restons, ça nous causera l'anéantissement et la malédiction, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a dit est suffisant. Mais là, on va lire un passage, c'est comme s'il commençait seulement son livre. Il rentre dans ce qu'on appelle le vif du sujet, et il dit, « Walil ma'asi min al-athari al-qabihati al-madhmouma al-mudirrati bil-qalbi wal-badani fi al-dunya wal-akhira ma la ya'lamuhu illa Allah. » Il dit, rahimahullah ta'ala, les péchés ont des conséquences immondes, blâmables, néfastes au corps et au cœur et au corps, ici-bas et dans l'au-delà, que seul Allah connaît parmi les conséquences. Puis, il va citer, sur des pages et des pages et des pages, les effets des péchés, un par un en détail. Un par un en détail. Celui qui lit ça et qui médite ça, il va détester les péchés comme jamais il les a détestés. Et il va tout faire pour sortir de ce qu'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a cité, Inch'Allah ta'ala, et c'est le but pour lequel on lit ce livre. Naam, c'est le but pour lequel on lit ce livre. Et Cheikh Abdel Razak, hafidahullah ta'ala, à ce passage-là, il a fait énormément d'éloges sur Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et sur ce qu'il a écrit ici. Naam, et il cite la parole d'Ibn Wazir, un autre savant rahimahullah ta'ala, qui dit, وَمَنْ أَحْسَنَ وَمِنْ أَحْسَنِ مَنْ جَمَعَ فِي ذَلِكَ. Et parmi les meilleurs des hommes qui ont écrit dans ce sujet, c'est-à-dire les effets des péchés et de la désobéissance, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Wazir a dit ça d'Ibn al-Qayyim concernant ce livre-là ou ce passage-là. فِي كِتَابِ الْجَوَابِ الْجَوَابُ الْكَافِي فَقَدْ جَوَّدَ فِي الزَّجْرِ عَنِ الْمَعَاصِي وَأَجَادَ وَأَبْدَعَ وَأَفَادَ وَأَمْتَعَ وَجَاءَ بِمَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهِ. Ibn al-Wazir fait vraiment ses éloges en disant, vraiment il nous a découragé du péché, détourné du péché, et il a écrit de la plus belle façon, de la meilleure façon, et il nous a procuré un énorme bienfait lorsqu'il a écrit une chose personne n'avait écrit pareil que lui. Yani ce passage-là, ou ce livre-là, dans ce domaine, dans ce sujet, Ibn al-Wazir dit, personne parmi les savants a écrit semblable. Personne parmi les savants a réuni ce qu'a réuni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala comme effet des péchés de la désobéissance. Donc c'est un passage, yani c'est de nombreuses pages. Il faut se concentrer. Et on demande, inshallah, aux frères, à la fin de chaque cours, de résumer les effets des péchés. Et un frère, inshallah, par la suite, il note tout, une sœur, elle note tout, et inshallah, on le garde. Et on le propage. Les gens aujourd'hui, ils transmettent des hadiths, naam, qui n'ont ni l'aile droite, ni l'aile gauche. Hein? Sans sanad. Une histoire inventée. Ceux qui le reçoivent comme c'est gratuit, ils le propagent au bout de la terre. Le centième qui le reçoit, il lui envoie un message. Il lui dit, c'est qui rapporte ce hadith? Il dit, je sais pas, c'est un tel qui me l'a dit. Attends, je vais lui demander. Après le 99e, il dit, attends, je vais demander, attends. Et à la fin, tu vois que c'est un hadith mawdou', c'est un hadith inventé. Naam. Ou bien il raconte une histoire. Un cheikh dit, c'est qui ce cheikh? Il a quelle époque? C'est quoi son nom? Et ce message-là, il se retrouve chez un tel, chez une telle. Puis, sur Internet, puis sur Facebook, puis on ne sait même pas ce qu'il chire. On ne sait même pas d'où elle vient cette histoire. Pourquoi pas prendre des versets du Coran et les propager? Des ahal, sahal Bukhari, sahal Muslim. Naam. Puis des paroles comme celle-ci. Naam. Tu écris. Naam. Tu recopies. Parmi les effets des péchés. Et t'envoies ça à ce que, Mada, t'envoies ça aux musulmans. Parmi les effets des péchés. Et chaque semaine, tu les réunis et tu les envoies. Et tu mets la source. Commençons. فَمِنْهَا حِرْمَانُ الْعِلْمِ. Le premier point qu'il cite, bien qu'en réalité, il en a déjà cité plein. Mais là, il va tout réunir dans ce passage-là. Premièrement, حِرْمَانُ الْعِلْمِ. La privation de la science. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ. Car certes, la science est une lumière qu'Allah envoie dans le cœur. وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّورِ. Et le péché éteint cette lumière. Le péché éteint cette lumière. Et regardons le verset. Mada waj'alnahu nuran. Mada afa man kana maytan fahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi. N'as-tu pas vu celui qui était mort? Il parlait péché par le kufr. Nous l'avons fait vivre par l'iman, par l'ilm, par la guider. Et on lui a assigné une lumière avec laquelle il marche entre les gens. Et c'est pas ce verset que je voulais, le verset sur Ashura. وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نعم. Donc dans ce verset, dans ces versets, on nous montre que l'ilm, c'est une lumière. وَلَمَّا جَلَسَ الْإِمَامُ الشَّافِعِ بَيْنَ يَدَيْ مَالِكٍ وَقَرَأَ عَلَيْهِ. L'imam Malik, rahimahullah, c'est le shir de l'imam Shafi'i. Lorsqu'il a vu l'intelligence de l'imam Malik et sa grande mémorisation, pardon, l'imam Malik, c'est le shir de l'imam Shafi'i. Lorsque l'imam Shafi'i s'est posé devant l'imam Malik, l'imam Malik a été étonné par la mémorisation de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i avait une mémoire tellement photographique que quand il voulait apprendre une page, regardez, il cachait la deuxième page pour pas que ça se mélange, parce qu'en regard, en un regard, il pouvait mémoriser, subhanallah. Il mémorisait super vite en regard. Parfois, un regard, il mémorisait la page. Et de grands savants et de grandes personnes pieuses comme Ibn Baz et autres, on leur lisait une fois, ils mémorisaient. Quand c'était long, deux, trois fois, ils mémorisaient. Ça, c'est une chose qu'Allah donne à ceux qu'il veut, ceux qu'il a choisi. Et l'imam Shafi'i, lorsque l'imam Malik a vu cela, il lui a dit, يعني أعجبه ما رأى من فور فتنته. Yani, il s'est étonné ou il a été, il s'est réjoui de ce qu'il voyait, impressionné par sa grande perspicacité, l'étendue de son intelligence, sa compréhension parfaite. Il lui dit alors, ماذا إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. Je remarque Allah a mis dans ton cœur la lumière, ne l'éteins donc pas avec les péchés. Et il y a le vers de poésie connu de l'imam Shafi'i. Bien qu'il faut voir son authenticité, mais c'est très connu. Shakawtu ila waqi'i, shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi, fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala a'lam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullah la yu'tahu 'asin. Ça, c'est une des versions. Je me suis plaint à Waqi', un grand savant sur l'imam Shafi'i, de la faiblesse de ma mémorisation. Aussi, il m'a commandé de délaisser les péchés et il m'a dit, sache que la science est une lumière. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à celui qui commet les péchés. وَعَلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ dans une version. Ça, c'est le premier point. Celui qui commet des péchés, on va lui enlever la science. Il peut se dire, mais moi je mémorise, pourtant j'ai fait des péchés. C'est pas ça l'ilm. L'ilm, c'est le fait de tirer profit de tes connaissances. Celui qui mémorise le Coran par cœur, il fait pas une seule faute, il prie Salat al-Tarawah tous les ans, puis il revient plus au masjid. Non. Et il revient que au Tarawah suivant pour prendre l'argent en priant. Il dit, moi j'ai une bonne mémoire. Pourtant il désobéit Allah Azza wa Jal. Lui, il n'a pas d'ilm. Il n'a pas d'ilm. Naam. Ma ya'mal bil Qur'an. Parce que Ahlul Qur'an, il ne fait pas partie des adeptes du Qur'an. Ahlul Qur'an, al-amiluna bih. Les gens du Qur'an sont ceux qui l'appliquent. Même si la personne est illettrée, elle ne connaît que Qul huwallahu ahad avec al-Fatiha, elle prie comme ça. Lui, il fait partie des gens du Qur'an. Deuxièmement, il peut avoir la science, mais on enlève la baraka de sa science. Il n'en tire pas profit. Il n'en tire pas profit. Donc, enlever la science, ça a plusieurs points de vue. Soit il n'arrive pas à mémoriser, soit on lui fait oublier, soit il a les connaissances, mais il n'en tire plus profit, il n'y a plus de baraka. Il n'y a plus de baraka. Comme les personnes de science qui tombent dans le bid'a, qui tombent dans l'innovation. Ces gens-là, ils disaient des choses en public. Par la suite, ces mêmes choses qu'ils disent en public, ils les combattent. Ils disaient par exemple, celui qui insulte les ulama, il est min ahlul bid'a, c'est un signe de la bid'a. Tu vois ces mêmes gens-là ouvrir des sites, maintenant critiquer les ulama. Ça rentre exactement dans ça. Comme ils ont commis des péchés, on les aura privés à l'ilm. On les a privés du ilm. On les a privés du ilm. Deuxièmement, wa minha hirmanu rizq. La privation de la subsistance et de la richesse et des biens. Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est que commettre des péchés amène la diminution de la baraka dans les biens. Ou la diminution des biens eux-mêmes. C'est-à-dire, soit il voit son argent diminuer, soit il a les mêmes richesses, mais il n'arrive plus à faire la même chose. Est-ce que c'est compris? Dans les deux cas, il est privé du risque. وفي المسند ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Dans le recueil d'Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, certes le serviteur se voit privé de la subsistance suite à un péché qu'il a commis. Suite à un péché qu'il a commis. وكما ان التقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. Ibn al-Qayyim explique, il dit tout comme la piété amène la subsistance, le fait de délaisser la piété, ça amène quoi? La pauvreté. De quel verset est-ce qu'il tire cela? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dans surat At-Talaq. Celui qui craint Allah, on lui accordera une issue et il recevra sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. وَمِنْهَا وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعَاصِ فِي قَلْبِي بَيْنَ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَا تُوَازِنُهَا وَلَا تُقَارِنُهَا لَذَّةٌ أَصْلًا وَلَوْ اجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لَمْ تَفِ بِتِلْكَ الْوَحْشَةِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُحِسُّ بِهِ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ حَيَاةٌ وَمَا لِجَرْحٍ بِمَيْتٍ إِلَامُ. الله أكبر. Le troisième point, la solitude que le pécheur éprouve en son cœur vis-à-vis d'Allah. La solitude que le pécheur éprouve vis-à-vis d'Allah. Il est vidé du khayr. Il sent un clivage entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une distance entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est plus proche d'Allah. Naam. Alors que celui qui est pieux, subhanallah, il est tout seul chez lui et il se sent en meilleure compagnie. Il se lève la nuit vu de personne. Il prie et il a la meilleure compagnie. Son cœur est vivant. Il se sent proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il lui demande, Allah lui répond. Quand il recherche le secours, Allah le protège, le défend. Ça, c'est une des pires conséquences du péché. Al-wahsh. Se sent mal, le mal-être. Et ressentir une solitude, un clivage entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibn al-Qayyim nous dit, et cette solitude ne vaut aucun plaisir. Et même si on réunissait tous les plaisirs, il ne vaudrait pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve le serviteur. Vous avez compris? Suite au péché, il se retrouve dans un état de mal-être tel, et une solitude et un clivage entre lui et Allah tel, que si tu lui réunis tous les plaisirs de son bas monde, il restera encore dans l'amertume. Subhanallah. L'enfant, lorsqu'il se fait mal, même il se casse la jambe. Tu lui donnes un truc de dunya, ça le calme. Sahulala. Le temps que la douleur, elle revienne. Tu lui donnes une sucette, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes. Ça. La femme, tu lui donnes une fleur. L'homme, tu lui donnes de l'argent. Ça va, yani, détourner quelque peu son attention, et ça va alléger quelque peu la douleur, n'est-ce pas? Cette wahsha là, Ibn Qayyim nous dit, si tu réunis toutes les causes qui amènent les plaisirs de dunya sur cette personne-là, ça ne va pas suffire à enlever ce mal-être-là. Allahu Akbar. Ça ne va pas suffire à enlever ce malheur-là. Par moment, la personne est dans un malheur, elle se dit, quoi que je fasse, je sais que ça ne va pas partir. Parce qu'il ne connaît pas Allah. Tu la conseilles, elle dit, je me connais, mais. Allah enlève, tôt ou tard. Mais cette chose-là, l'éloignement d'avec Allah, combler ce manque, c'est impossible. Parce que de toute chose, tu peux trouver un remplaçant. De toute chose, tu peux trouver un remplaçant. Non? La chose qu'on pourrait dire, c'est irremplaçable, c'est qui? La personne. La mère. Si on dirait une personne, si on avait dit une personne, on aurait dit la mère. Ben, même la mère, elle ne reste pas. Sahulala. Même la mère, elle ne reste pas. Wallahu alimun hakim. Pourtant, Allah est sage et savant. Et l'enfant est pris en charge par son père, par sa grand-mère, par. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, si tu perds Allah tabaraka wa ta'ala, rien, ni personne pourra venir combler ce manque-là. Tu auras perdu toute ta dunya et tout ton au-delà, wal-iyadu billah. Donc Ibn al-Qayyim dit, si on réunit tous les plaisirs, ça ne vaut aucun plaisir, et même si on réunissait tous les plaisirs, il ne vaudrait pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve le serviteur. Et il ne peut ressentir cela que celui dont le cœur est vivant. Et Ibn al-Qayyim dit, attention, pour ressentir ce mal-être, déjà il faut que le cœur soit vivant. Quant à celui qui est plongé dans les péchés, qui se cache même plus des péchés, même qui, quand il fait un péché, il se prend en photo et il montre ça, on ne parle pas de lui. Lui, son cœur, il est mort. Comment est-ce qu'il va avoir une douleur? Hein? Comment est-ce qu'il va avoir une douleur? Puis il cite le poème, et la blessure ne cause aucune douleur aux morts. La blessure ne cause aucune douleur aux morts. Ibn Qayyim nous dit ensuite, si par précaution, de peur de te retrouver dans cet état, tu délaissais les péchés, ça serait une cause suffisante. Allahu Akbar. Là, il va parler pendant des dizaines et des dizaines de pages des effets des péchés. Il te dit ce simple point-là. Par précaution, t'arrêtes les péchés pour pas ressentir cette douleur, ça suffit comme cause. Subhanallah. Ibn Qayyim kana nasihan. Vraiment, c'est un bon conseiller. Subhanallah. Il te dit cette cause, elle suffit. Pourtant, il va parler pendant des pages et des pages et des pages des autres effets des péchés. Et subhanallah, à chaque page, quand tu lis ce livre, tu te dis, ça c'est le pire qui soit. Ça c'est le pire qui me soit arrivé ou qui puisse m'arriver. Puis tu arrives à la page suivante, tu dis, subhanallah, ça c'est le pire. Après tu arrives à la troisième, tu dis, c'est encore pire. Mais jusqu'où ça va aller? Faut pas savoir jusqu'où ça va aller. Faut arrêter les péchés. Faut délaisser les péchés. Ça amène où? Comme au début du livre, il nous a dit. Ça amène à l'anéantissement de ton bas-monde et de ton au-delà. Mais tu ne seras plus là pour le voir dans ce moment. C'est les gens qui vont voir. Parce que la constance dans les péchés, ça amène à la mauvaise fin. On a cité combien de points? 3 points. فَلَوْ لَمْ يَتُرُكِ الذُّنُوبَ إِلَّا حَذَرًا مِنْ وُقُعِ تِلْكَ الْوَحْشَ لَكَانَ الْعَاقِلُ حَرِيًّا بِتَرْكِهَا. Si la cause qui te pousse à délaisser les péchés était la précaution pour ne pas tomber dans cet état-là, ben celui qui est doué de raison, ça lui serait suffisant. وَشَكَ رَجُلِنَا بَعْدِ الْعَارِفِينَ وَحْشَةً يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ فَقَالْ. Et un homme se plaint à un sage de cette solitude qu'il éprouva, et il lui dit. Écoutez, c'est une belle parole. إِذَا كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّنُوبُ فَدَعْهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِسِ. Si les péchés t'ont provoqué cette grande solitude, délaisse-les donc si tu veux et retrouve ton bien-être. Naam. Et retrouve ton bien-être. En gros, tu te plains, tu dis que je me sens mal, je ressens cette solitude entre moi et Allah. Il lui dit, c'est les péchés qui sont mis dans cet état-là. Tu veux enlever ça? Tu veux te sentir bien et proche d'Allah? Arrête de faire des péchés et retourne auprès d'Allah. Retourne auprès de la bonne compagnie. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على المذنب فالله المستعان. Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous dit, Et il n'y a pas plus amer pour le cœur que la solitude du péché en conséquence d'un péché. Puis il dit que celui qui nous vienne en aide soit Allah. Allah al-Musta'an. Comme il a dit, Allah al-Musta'an. Arrahimahullah. Arrahimahullah. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على المذنب. Il n'y a pas plus amer sur le cœur que la solitude que ressent le pécheur. نعم. Le quatrième point. الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس. C'était quoi le troisième point? Entre qui et qui? Avec Allah. Là, c'est entre toi et les créatures d'Allah. La siyama al-khayr minhum. Particulièrement entre toi et les gens du bien. Particulièrement entre toi et les gens du bien. فَإِنَّهُ يَجِدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. Celui qui fait des péchés, il va trouver un éloignement entre lui et les gens du bien. Il va trouver une solitude. Il ne sera pas apaisé par leur présence et lui ne sera pas apaisé par la, et eux ne seront pas apaisés par la sienne. وَكُلَّمَا قَوِيَتْ تِلْكَ الْوَحْشَةُ بَعُدَ مِنْهُمْ وَمِنْ مُجَالَسَتِهِمْ. Et regardez, c'est très dangereux. Plus il va faire des péchés, plus il va ressentir cet éloignement et se sentir mal avec eux. Et par conséquent, lui il sera éloigné d'eux et de leurs assises. Alors qu'en réalité, son remède, il est d'aller où? Dans les assises des gens du bien. Mais lui, plus il fait des péchés, plus il s'éloigne d'eux. C'est pour cela que tu vas conseiller le pécheur. Tu lui dis, mais viens au masjid, viens dans les cours, viens. Il n'arrive pas, il n'aime pas. Il se sent mal, il se sent regardé. Il rentre dans le masjid, personne ne connaît son péché. Et il pense que tout le monde sait ce qu'il fait en privé, subhanallah. Il a honte. Il te dit, je suis sale, moi je fais ça, je ne peux pas venir au masjid. Mais non, c'est pas ça. Ça c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Et si tu reviens vers Allah et tu lui demandes pardon, que tu arrêtes, Allah il va te pardonner. Et nous on ne sait pas, on ne veut pas savoir tes péchés. On n'est pas comme les pervers qui fouillent pour trouver tes péchés, puis essayer de les dévoiler. Et ils voient la graine, mada, le point dans ton œil, ils ne voient pas le tronc d'arbre dans leur gorge, pas dans leur œil. Non. Donc la personne qui s'éloigne des assises du bien, ash-shaytan l'a eu. Parce que son remède était de rester à proximité des gens du bien, était de s'asseoir parce que eux vont le conseiller, ils vont l'orienter, ils vont lui dire qala Allah, qala Rasulullah, à l'image du médecin. Ne voyez-vous pas le malade? Plus il est malade, plus il s'éloigne du médecin. Quelle sera sa finalité? Quelle sera sa finalité? Il va avec qui? Il va avec les malades qui sont en état végétatif par exemple. Plus il est malade, plus il se rapproche des malades qui ont une maladie grave et qui sont dans le coma et qui vont mourir. Non, plus il est malade, plus il veut aller voir les médecins. Et plus sa maladie est grave, plus il va voir les spécialistes. C'est même plus le médecin généraliste, il va voir les spécialistes. Les spécialistes des remèdes, c'est les ulama. Ce sont les ulama. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit wa hurima barakatu al-intifa' bihim. C'est pas que le fait de s'éloigner de leurs assises, c'est qu'il va même être privé de la bénédiction de ses assises. Ça veut dire, même en y allant, le profit sera minime. وَقَرُبَ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ. Pire que ça, il va se rapprocher du parti du shaytan. Plus il fait des péchés, plus ses assises et ses fréquentations deviendront les gens de la perversion. Les gens des péchés. نعم. وَبِقَدْرِ مَا بَعُدَ مِنْ حِزْبِ الرَّحْمَانِ وَتَقْوَ هَذِي الْوَحْشَةُ حَتَّى تَسْتَحْكِمَ فَتَقَعُ بينه وبين امرأة بينه وبين امرأتي وولدي وقاربي وبينه وبين نفسي فتراه مستوحشا من نفسي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, plus cette solitude s'intensifie, plus il s'éloigne d'eux et de leur présence, des gens du bien, des gens de la piété, des gens de science, il est privé ainsi de leur bénédiction, la bénédiction des assises des gens du bien, de leur fréquentation, la fréquentation des gens du bien. Et plus il se rapprochera du parti de Satan, plus il se rapprochera des assises du haram, et plus son éloignement, yani plus il s'éloignera des adeptes, du parti du tout miséricordieux, plus il se rapprochera des adeptes du parti du shaitan. C'est indissociable. Cette solitude, écoutez, ça fait partie des paroles qu'on doit noter et propager. Cette solitude s'intensifie. Solitude entre qui et qui ? Entre l'homme et les personnes du bien. Cette solitude s'intensifie jusqu'à s'ancrer de sorte à ce qu'il ressente cette solitude au sein de son foyer, entre lui et son épouse, entre lui et ses enfants, entre lui et ses proches et sa famille. Écoutez la fin. À un point où il en arrive même à ressentir cette solitude entre lui et sa propre personne, il ne se supporte plus. Allahu Akbar. Tellement il fait des péchés, il ne supporte plus sa propre personne. Allahu Akbar. Et qala ahad as-salaf, inni la'asi Allah fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati. Un des salaf a dit, un des plus prédécesseurs a dit, je désobéis à Allah et je vois l'effet de cela sur ma propre épouse et ma monture. Il dit, je fais des péchés, lorsque je reprends mon cheval, il est moins docile, il obéit moins. Et je fais des péchés, et quand je rentre, mon épouse est moins bien avec moi. Ça fait partie des effets de quoi ça ? Des effets des péchés. La wahsha entre toi et les gens de bien. La wahsha entre toi et les proches. Et ce qu'il a cité comme exemple, c'est très révélateur. Parce que ces gens-là sont ceux qui t'aiment le plus. Ceux qui se fatiguent le plus pour toi et ceux qui connaissent le plus tes défauts et ceux qui te supportent le plus. Malgré ça, une fois arrivé dans le péché, là ça met une dissension et ça met des troubles. Wallahu al-musta'an. Ensuite, wa minha ta'siru umurihi alayhi fala yatawajjahu li amrin illa wa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alayhi. C'est combienième point ? Le cinquième point. Notez les difficultés dans tout ce qu'il entreprend. Il trouve bloqué tout ce qu'il essaye de faire et d'ouvrir. Il trouve de la difficulté dans tout ce qu'il essaye d'entreprendre. Tout ce qu'il fait ne réussit pas. Tout ce qu'il entreprend, il trouve les portes fermées. Ou cela lui est rendu difficile. Ça c'est le combienième point ? Le cinquième. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وترقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي lorsqu'on craint Allah, il facilite toutes choses. Mais si on ne le craint pas, il les rend difficiles. Ceci est tiré de quel verset ? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dans sourate At-Talaq. Et celui qui craint Allah, il lui facilite ses affaires. Et dans le tafsir, Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, Allah azza wa jal lui facilite ce qui était difficile pour autrui. Ou comme قال رحمه الله عليهما. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala s'exclame et s'étonne en faisant du tasbih et il dit plutôt wa ya lillahi al-ajab. Oh par Allah, il jure plutôt, oh par Allah, comme est étonnant de voir comment toutes les portes du bien et bienfaits sont fermées au serviteur, c'est-à-dire qu'il fait des péchés, et combien il lui est difficile d'y parvenir, d'atteindre son but sans qu'il n'en connaisse pour autant les raisons. Il fait ça, ça fonctionne pas. Il fait ça, ça fonctionne pas. Il utilise telle cause, ça fonctionne pas. Puis il dit pourquoi, subhanallah. Alors qu'en réalité, c'est quoi la raison ? Les péchés. La raison, c'est quoi ? Az-zunub. La raison, c'est quoi ? Az-zunub. Sixièmement, wa minha zulmatun yadiduha fi qalbihi haqiqatan. Sixièmement, des ténèbres qu'il ressent dans son cœur. Réellement. Naam, une noirceur des ténèbres, précisément, qu'il ressent réellement dans son cœur et qu'il perçoit comme une nuit obscure. وَيُحِسُّهَا بِهَا كَمَا يُحِسُّ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ إِذَا أَدَلَّهُمْ. Ibn al-Qayyim dit, il ressent cette obscurité réellement. C'est pas une image, réellement. Tout comme la nuit, tu vois l'obscurité. Tout comme la nuit, l'obscurité recouvre sa vue. Puis il explique et dit, فَتَصِيرُ الظُّلْمَةُ نَعْمَ فَتَصِيرُ الظُّلْمَةُ الْمَعْصِيَةِ لِقَلْبِي كَالظُّلْمَةِ الْحِسِّيَةِ لِبَصَرِي فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورُ وَالْمَعْصِيَةُ ظُلْمَةُ. Il nous dit, en effet, l'obéissance est une lumière, tout comme la désobéissance est des ténèbres. Et un ténèbre, ça se dit comme ça, c'est les ténèbres. وَكُلَّمَا قَوِيَةِ الظُّلْمَةُ ازْدَادَتْ حَيْرَتُهُ حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. L'obéissance à Allah est une lumière et la désobéissance ténèbres, et plus ces ténèbres s'épaississent, plus le désarroi du serviteur augmente jusqu'à tomber dans les innovations, les égarements et les actes menant à la perdition, sans qu'il ne s'en rende compte. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il s'égare petit à petit, il sort de la sunna. Puis, il sort d'abord de la droiture, puis il sort de la sunna jusqu'à devenir un mubtadi'. Il tombe dans la bid'a, il tombe dans les égarements. Naam, il ne s'en rend pas compte. Il est comme l'aveugle qui sort seul dans la nuit noire, sans personne pour le guider. Vous imaginez? De sortir dans la nuit quand t'es clairvoyant, c'est difficile de s'orienter. Là, il est aveugle, il ne voit pas. Il est donc dépendant d'une tierce personne pour lui montrer son chemin, n'est-ce pas? Ben, ni il n'a cela, ni il n'a cela. Ni il n'a la lumière du jour, ni il a un homme qui l'oriente. Ses ténèbres s'intensifient jusqu'à paraître dans son regard. Puis il s'intensifie jusqu'à recouvrir tout son visage et devenir une noirceur que tout le monde peut voir sur lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah nous facilite un repentir sincère. Parce que wallahi l'azim, si on tombe dans ça, c'est insupportable. Et c'est une vie ba'isa. C'est une vie madha de malheur. C'est une vie yani de malheur. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Comme Allah dit dans le surat Taha, et celui qui s'éloigne de ma, qui se détourne de mon rappel, aura à vivre une vie remplie de gêne. Une vie de mal. Et au début de la surah, Taha, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Les savants disent, hey, لِتَسْعَد. Le Coran a été révélé pour que tu sois heureux. Donc celui qui s'éloigne du Coran, comme dans le verset, il aura à vivre une vie pleine de gêne, une vie de malheur, une vie dans les soucis, dans les problèmes. Wal'iyadu billah. Allah al-musta'an. Ensuite, une des paroles les plus profitables, mais des plus effrayantes aussi. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, inna lil hasanati diya'an fil wajh. ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. Étant ignorant d'une règle de grammaire, jadis j'avais mémorisé cette parole, ماذا, en faisant une erreur dans ismu inna al-mu'akhar. Et je disais, inna lil-hasanati diya'un fil-wajh. Et ça, c'était une ignorance évidente de ma part. Fastaghfirullah. Donc, inna lil-hasanati diya'un fil-wajh. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna minan nasi nasan. Naam. Donc, quand mes harful jarwa et son nom, Naam, on met ismu inna ensuite, il est donc mansoub. Ibn Abbas dit une parole qui développe l'espoir de ceux qui font le bien et qui met en garde ceux qui font le mal devant les péchés. Il dit, radiallahu anhuma, la bonne action est une lueur sur le visage. La bonne action est une lueur sur le visage. Une lumière dans le cœur. Un élargissement des richesses. Une force dans le corps. Un amour dans le cœur des hommes. C'est-à-dire que les gens vont t'aimer. Ça, c'est pour le côté des hasanats. Puis il dit, la mauvaise action est une noirceur dans le visage. Des ténèbres dans le cœur. Une faiblesse dans le corps. Une diminution de la subsistance. Et une haine dans le cœur des hommes. C'est-à-dire à l'égard de cette personne. Tout ça, ça fait partie des effets de quoi? Des péchés et des obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Par moment, la personne tombe dans un péché, puis elle a un problème entre lui et une personne. Elle se dit, il est injuste et moi, je lui ai toujours fait du bien. Puis elle a un problème avec une deuxième personne. Puis une dixième personne. Au bout d'un moment, il ne faut pas penser que toute la terre a dévié. Au bout d'un moment, il faut s'asseoir avec sa personne. Faire ses comptes et se corriger. Et revenir vers ces gens-là et s'excuser. Revenir vers ces gens-là et s'excuser. Ou il commet des péchés en public. Il dit ensuite, les gens, ils parlent sur moi. Pourquoi ils parlent? Pourquoi Kada? Et il s'en prend à un tel et un tel et un tel et un tel. À un point tel que, et c'est déjà arrivé, qu'il entend la khutbah et dit, parle sur moi. A'oudhu billah. C'est même pas ce que tu fais de ta vie. On fait la khutbah, des fois on choisit le sujet de la khutbah pour nous-mêmes, parce qu'on a des problèmes. Pour nous soigner nous-mêmes. Et l'homme, l'humain a des problèmes, donc ça va lui être profitable. Et lui, tellement il est dans son péché, et il s'est réveillé avec l'humiliation du péché, il pense que tout le monde regarde son péché. Non. Le remède, c'est pas t'en prendre aux autres. Le remède, c'est t'en prendre à ta personne, délaisser le péché. Et ça ira bien entre toi, par la suite, entre toi et les gens. Le sixième point, septième point, وَمِنْهَا نَالْمَعَاصِي تُوهِنُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنُ وَأَمَّا وَهَنُهَا لِلْقَلْبِ فَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ بَلْ لَا تَزَلُ تُوهِنُ حَتَّى تزيل حياته بالكلية الله المستعان وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه استغفر الله. Le septième point, les péchés affaiblissent le cœur et le corps. Celui qui fait des péchés, il devient faible. Lui, c'est une victime. Son cœur, il devient faible. Son corps, il devient faible. Même s'il fait 2 mètres et 120 kilos, et qu'il va dans des salles de musculation murtalata, comment on dit ça? Mixte, na'am, et qu'il se met devant une glace, et qu'il lève sa main droite et sa main gauche, son pied droit et son pied gauche. A'oudhu billah. Et allez jusqu'où? Comment, yani, t'as ton aql, toute ta raison, tu rentres dans une salle murtalata, tu te mets devant des hommes et devant des femmes, et tu mets des vêtements serrés, comme si t'étais un nouveau-né, et tu te mets devant une glace, et tu prends du fer, et tu lèves et tu regardes ton corps. T'es malade. Wallahi, t'es malade. Tu te regardes devant la glace, et tu regardes ton corps, et tu regardes ton bras, et tu regardes ton ventre, et tu regardes ton pied, et tu regardes... A'oudhu billah. Regarde tes hasanats et tes péchés. Regarde tes hasanats et tes péchés. Et je te garantis par la garantie du prophète alayhi salatu wassalam que rien ne se perdra de ton corps. Car le prophète alayhi salam a dit ihfazillah. C'est quoi la suite? Yahfazk. Yahfazk dans ton din seulement? Non, fi badanik, fi rizqik, fi ahlik, fi durriyatik, fi malik, fi badanik, fi kulli shay. Donc délaisse la salle ou aqbil ala Allah. Délaisse la salle qui est décrite comme je vous l'ai décrite. Quand tu as en dehors de ça, le sport, c'est pas interdit. Même tu fais de la musculation, c'est pas interdit. Là, je fais référence à cette situation précise par laquelle a été éprouvée certaines personnes. Naam, je ne les ai pas vues parce que, alhamdoulilah, on rentre pas dans ces endroits-là. Mais vu qu'on nous pose la question, c'est que ça a lieu. Vu qu'on nous pose la question, c'est que ça a lieu et ça fait même des problèmes chez les gens. Ça fait même des problèmes chez les gens. Allah musta'an. Une des excuses, c'est quoi? Mais tout seul, je suis pas motivé. Tout seul, je suis pas motivé. Donc, tu es prêt à rentrer finnah pour le groupe. Regardez la faïda. Dans le Coran, dans Surah Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jalla nous montre que d'être en groupe en enfer, ça leur servira à rien. Vous savez pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit ça? Hein? Ça leur servait à rien d'être groupé en enfer, d'être en nombre, en groupe, en communauté. Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit pourquoi? Parce que quand t'es dans un problème, mais t'es en groupe, ça passe mieux, tu supportes mieux. N'est-ce pas? Si tu tombes en panne, imagine, tu tombes en panne, t'es tout seul. T'imagines la galère? T'es tout seul, tu parles à personne, t'as pas de batterie, kada. Par contre, t'es avec tes amis, t'es avec tes amis. Vous allez rigoler de ça. Vous allez rigoler de la situation. Naam, ça nous est déjà arrivé, on a rigolé de la situation. Pas dans la minute même, mais un petit peu après. Par contre, si t'es tout seul, c'est yani une grosse solitude que tu reçois. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla te facilite un serviteur qui vient t'aider. Jazakumullahu khayran. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Allah al-musta'an. Al-Hasil ne dit pas, mais quand je suis en groupe, je suis motivé, wakada wakada. Parce que ça vaut pas le coup de prendre ces péchés-là. Ça ne vaut pas la peine de se sculpter encore en apparence. Parce qu'en réalité, tu vas tomber dans le huitième point. Tu seras faible. Tu seras faible. Naam, tu seras faible. Tu as marché avec la maman de 70 ans, ou on va dire 60 ans, et elle porte le pack de lait. Allahu Akbar. On voit des gens, ils marchent avec leur mère, elle porte les courses. Wallahi, la femme, l'épouse, et elle est incomparable à la mère, on porte les courses, elle ne porte pas les courses. Non. Et la maman, elle va porter les courses. Lui, ça c'est un faible. Il n'arrive pas à porter un pack de lait. Alors que nos mères, on était petits, elles portaient deux packs. Elles portaient des courses et ainsi de suite. Et il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture. Non. Il est faible. Pour se lever pour salat, il est faible. Ça c'est la faiblesse. C'est pas l'apparence de la personne. Abdullah ibn Saoud était dans un arbre un jour, dans un palmier ou un arbre. Et les sahaba radiallahu anhum ont regardé les jambes d'Ibn Saoud, il était très fin. Ils ont ri. Rasulallah leur a dit, de quoi est-ce que vous riez? Ils lui ont dit de la finesse de ses jambes. Rasulallah a dit, vous riez de la finesse de ses jambes. Par Allah, ses jambes sont plus lourdes chez Allah que Jabal Uhud. Naam, que Jabal Uhud. C'est ça le hadith? La fin du hadith? Que Jabal Uhud. Donc la lourdeur, la force et ainsi de suite, c'est pas par rapport au comment c'est dessiné. Non, c'est pas par rapport au fait comment c'est dessiné. On dit pas que l'homme il se laisse aller cadenas. Embellis-toi comme a dit Ibn Abbas. Je m'embellis pour mon épouse comme j'aime quand elle s'embellisse pour moi. Mais de là à désobéir Allah Azza wa Jalla dans les endroits où il y a le haram, pour soi ou pour autrui, ça vaut pas la peine. Parce que personne va nous sauver ensuite et accepter de prendre nos péchés. Les gens ils acceptent même pas de prendre la responsabilité qui leur incombe. Tu crois qu'ils vont prendre tes péchés? Ils vont t'abandonner. La mère elle abandonne son fils. Le père elle abandonne son fils en Al-Qiyam. Yafir. Il se sauve comme dans Suratou Abasa. L'affaiblissement du corps s'explique. Avant ça, l'affaiblissement du cœur est une chose évidente. Il reçoit ça, le pécheur, il le ressent. Il ne cesse de s'affaiblir jusqu'à ce que la vie le quitte complètement. Le cœur ne cesse de s'affaiblir à cause des péchés à un point tel que la vie se sépare de ce cœur. On va comprendre après c'est quoi la vraie vie. La vraie vie, c'est le temps passé dans l'obéissance à Allah. Quant à l'affaiblissement du corps, il s'explique par le fait que le croyant puise sa force du cœur. La force du corps, elle est prise du cœur. Elle est prise du cœur. Plus son cœur est fort, plus son corps l'est. Quant au dépravé, même s'il est fort physiquement, il est pris de faiblesse dès lors que le besoin se ressent. C'est-à-dire au moment où il a le plus besoin de sa force. Quand il entend Hayya ala Salah, quand il doit sortir l'argent de la zakat, quand il doit marcher pendant le hajj, quand il doit sortir aller faire les courses, quand il doit travailler, quand cette force physique, elle le trahit. Cette force physique, elle le trahit. Quand elle doit défendre un opprimé, il se sauve. Il passe comme s'il n'a rien vu. Hein? Quand son frère est opprimé, injustement, quand il est dans une assise, il y a de la riba. Naam, il ne défend pas son frère. Il se tait, parce que c'est une victime. Il se tait. Il ne défend pas l'honneur de son frère comme le Rasulallah l'a ordonné. Là, parce qu'il est faible. Ce corps-là lui a servi à quoi, là? Ce corps fort en apparence. Ibn Qayyim dit non, il est faible. Parce que le corps puise sa force dans le cœur. Il est pris de faiblesse dès lors que le besoin se ressent. Sa force le trahit au moment où il en a le plus besoin. Et médite sur la manière dont la force de Byzantins, des Byzantins et des Perses les a trahis au moment où ils en avaient le plus besoin. Contre qui? Hein? Les Sahaba, qui sont venus avec quoi? Quelques chameaux, quelques chevaux et autres. Et eux, ils étaient des milliers. Ils étaient des milliers, ils étaient chez eux, ils avaient une force et des gabarits impressionnants. Et des forteresses et... Mais les sahaba les ont battus avec la force du iman. Ils ont battu avec la force du iman. Naam. Hakam. Regardez, juste le fait de laisser pousser la barbe. Le prophète a ordonné, fulliha, wafirulliha, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il que l'homme de 2 mètres, 120 kilos, il n'a pas la force de rien faire? On ne lui demande même pas de faire. Rien faire. Laisse seulement. Après, tu l'honores, tu le mada, tu huiles la barbe, ou tu peignes, ou tu... Mais juste laisse pousser la barbe. Il n'a pas la force de laisser pousser la barbe. Al-Shir Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala a dit, parmi eux, vous avez entendu ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, Sahaba, ce sont eux qui ont renversé les Byzantins et les Perses, ainsi de suite. C'est les plus grandes puissances mondiales. Et Sahaba là-bas, c'est les gens du, comme nous on dirait les gens du village. Mecca n'avait aucune considération, y aller dans les forces mondiales, aucune part. Entre eux, ils étaient divisés déjà. Puis, ils sont arrivés au summum de la noblesse, des suites des enseignements suivis du prophète alayhi salam. Ils ont pris Rome, Al-Fors, et ainsi de suite. Cheikh Mohammed Amin Shinkhiti dit au sujet des compagnons, et parmi eux, il n'y en avait aucun qui rasait sa barbe. Vous avez compris? Parmi eux, il n'y en avait pas un qui était rasé. Donc, est-ce qu'on va suivre à notre époque ce qui nous montre que le modèle, c'est ça? Ou est-ce qu'on va regarder le sahaba, ce qu'Allah Azza wa Jalla a élevé au plus haut niveau? Allah Musta'an. ومنها طيب avant ça وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقارهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. Les gens du iman les ont renversés avec la force de leur cœur et de leur corps, car leur force a été puisée, la force du corps a été puisée de celle du cœur. L'un d'entre eux prenait 10 en face. Subhanallah. L'un d'entre eux prenait 10 en face. Et quand on va arriver à Razwatu Mu'ta, et à nous, on va se dire, est-ce que ce sont des hommes ou bien des surhommes? Est-ce que ce sont des hommes ou bien des surhommes? Naam. Quand on va voir le nombre qui était Sahaba et le nombre qui était les autres, Naam. Et quelle fut la finalité de cette affaire? Wallahi al-Azim, que tu te poses la question, est-ce qu'ils étaient humains? Mais en effet, ils étaient humains. Mais la question, la vraie, est-ce que nous on est vivants? Est-ce que nous on a des qulub? Qui est-ce qu'on a pris comme exemple? Ça nous amène à toutes ces questions. Wallahu musta'an. Wa minha hirmanu ta'a. Ça, c'est une des pires punitions. Parmi les effets des péchés, la privation de l'obéissance d'Allah. On t'empêche, t'es comme enchaîné, t'arrives pas. Tu veux faire le bien, tu n'y arrives pas. T'arrives plus à faire des hasanats. Tu faisais des sadaqat régulièrement, t'arrives plus. Tu donnes moins jusqu'à plus donner. tu faisais des nawafil, tu jeûnais, nafila, t'arrives. Quelle est donc la punition? On t'empêche de faire des bonnes actions. On se voit privé de l'obéissance d'Allah. On se voit privé de l'obéissance d'Allah. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلذَّنْبِ عُقُوبَةً إِلَّا أَنْ يَصُدَّ عَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ بَدَلَهُ وَتَقْطَعْ تَرِيقَ طَاعَةٍ أُخْرَى فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ بِالذَّنْبِ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَابِعَةٌ وَهَلُمَّ جَرَّ فَيَنْقَطُعُ عَنْهُ بِالذَّنْبِ طَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا له أو خير له من الدنيا وما عليها وهذا كالرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها والله مستعان. Ça, faut le copier et le propager aussi. كلام ابن القيم قيم جدا. Il nous dit رحمه الله تعالى: s'il n'y avait comme conséquence au péché que le fait qu'il empêche l'obéissance à Allah, ce serait suffisant. Suffisant pour quoi? Pour s'en repentir, pour délaisser, pour arrêter de se faire du mal. Le péché est un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Il obstrue son chemin une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième et ainsi de suite. La suite, vous le notez, vous le propagez. Ainsi, le péché empêche d'accomplir beaucoup d'actes d'obéissance. Alors qu'un seul acte d'obéissance est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Allahu Akbar. Écoutez bien. Il dit, tu commets un péché. À cause de ce péché-là, tu te vois privé de plein de bonnes actions. Alors qu'une seule de ces bonnes actions était meilleure pour toi que tout ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Vous avez compris? Tout ce bas monde et tout ce qu'il renferme, à cause d'un péché, tu l'as pas eu. À cause d'un péché, tu l'as pas eu. T'as manqué de respect à tes parents chez toi, par exemple. En chemin, il y a un pauvre qui est dans le besoin. Il a une dette. Et il vit un mal-être, seul Allah le connaît. Tu as de l'argent. Il vient, il te demande de l'aide. Sa dette, elle est de 150 euros. Tu as les 150 euros. Tu veux lui donner. Après, tu te rappelles une facture, tu lui donnes pas. C'est à cause du péché que tu as fait chez toi, tu n'arrives pas à lui donner les 150 euros. En lui donnant ces 150 euros, peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'aurait regardé avec la pitié. Il t'aurait effacé tes péchés. Il t'aurait donné des millions à la place. Il t'aurait inscrit au paradis. Et il t'aurait un seul effet de cette bonne action était meilleur pour toi que tout ce bâton de ce qu'il a fait. Mais on a choisi quoi? On a choisi le péché. Tu marches dehors, une personne t'attire. Tu dois baisser le regard. On doit baisser le regard. La personne est attirée. Alors elle regarde une fois, puis une deuxième fois. Suite à ça, elle ne révise pas le Coran. Elle ne lit pas le Coran. Chacune des lettres du Coran aurait été meilleure pour lui que ce bas monde et tout ce qu'il en fait. Mais on le prive de la lecture du Coran. On le prive de la mémorisation du Coran. On le prive du ilm. À cause de quoi? D'un péché qu'il a commis en chemin. À cause d'un péché qu'il a commis en chemin. Donc, après, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous cite un exemple. Il dit, c'est à l'image d'un homme. Le pécheur est à l'image d'un homme. On lui dit, t'es malade, attention. Tu dois pas manger tel aliment. Comprenez? Mais lui, il ne se retient pas. Il mange de cet aliment. À cause de cet aliment-là, sa maladie s'aggrave, et maintenant lui dit, tu ne peux plus manger de ces 10 aliments, qui étaient meilleurs que l'aliment qu'il n'a pas voulu délaisser. À cause d'un aliment sur lequel il n'a pas voulu patienter, maintenant, il n'a plus le droit de manger plein d'autres, qu'ils étaient meilleurs. À cause de quoi au début, si on regarde bien? Un seul aliment. Il n'a pas patienté sur un seul aliment. Non, il n'a pas patienté sur un seul aliment, il se retrouve dans des gros problèmes. Il se retrouve dans des gros problèmes. Le pécheur est semblable à celui qui a mangé un aliment provoquant chez lui une longue maladie, l'empêchant de manger nombre de mets bien meilleurs que celui qui l'a rendu malade. Qu'Allah nous vienne en aide. Celui qui veut disposer, il peut partir. Car le cours est trop long. Je voulais arrêter, mais je n'arrive pas. Car j'ai besoin de me soigner devant la catastrophe qu'on vit, Allah al-Musta'an. Et de partager cela avec vous. On espère que ça nous entraîne dans le bien. ومنها أن المعاصي تخسر العمر وتمحق بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر وقد اختلف الناس في هذا الموضع. Et ce dont je parlais après le khutbah et tout à l'heure, c'est ce passage-là. Le fait que ça diminue la vie. Les péchés, ça diminue la vie. La personne qui devait vivre, par exemple, qui était censé vivre, par exemple, 70 ans, elle va vivre 60 ans. C'est un exemple pour comprendre. Naam, quand je dis censé, non pas en devant le qadar, Allah sait, mais c'est pour qu'on comprenne. Par exemple, on dit, s'il est bienfaisant vers ses parents, on lui donne 70. S'il ne fait pas le bir, on lui donne 60. C'est un exemple pour bien comprendre. Naam. Et si les détracteurs coupent ce passage et le propagent et réfutent, c'est pas grave. On aura expliqué, et on aura même pris les précautions pour repousser cette idée, mais celui qui est mort, c'est quoi la phrase? La blessure ne lui fait aucune douleur. Donc, le neuvième point, c'est ça? Le neuvième point, les péchés écourtent l'existence. Tu vis moins longtemps. Et en anéantissent inévitablement la bénédiction. Il n'y a pas de baraka dans sa vie. Si quelqu'un ne fait que du haram, ou beaucoup de haram, il fait beaucoup de mal. Il dort dans le haram, il se réveille dans le haram, il sort pour faire du haram. Il rentre que pour dormir et manger. Puis il ressort pour faire du haram. Ça c'est dans le cas où il ne fait pas le haram chez lui. Ça c'est les meilleurs des faux sacs, ça c'est ceux qui ne font pas le haram chez eux. Wal'ayyadu billah. Ainsi, tout comme la bonté prolonge l'existence, la dépravation l'écourte. En référence au hadith du Prophète qui nous dit « La yazidu fil umr illa albir » ou plutôt « Man ahabba yunsalahu fi rizqi ou fi athari wa yubsatalahu fi rizqi fal yasila rahima » Celui qui aimerait voir son existence allongée et sa subsistance élargie, qui lie les liens de parenté. Et rien n'augmente l'existence si ce n'est la bienfaisance. Donc le fait de faire du bien, ça allonge ton existence. Tu veux vivre longtemps, sois bienfaisant. Tu veux être riche, sois bienfaisant. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Ceci est une vérité et c'est une conséquence des péchés. Ça diminue l'existence. Mais que veut dire ça diminue l'existence? Ibn al-Qayyim nous dit que les savants expliquent ça de trois façons. Il y a trois avis. Afwan. Faqala ta'ifa. نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركته ذهاب بركتي ذهاب بركة عمره ومحقها عليه وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. Le premier sens noté, ces savants là ont dit la diminution de son existence due au péché et dans le fait qu'on enlève la bénédiction de sa vie. On enlève la bénédiction de son existence et on l'a fait disparaître. Ibn al-Qayyim dit ce sens-là, il est bon, il est juste. Et c'est une partie en réalité des effets des péchés. En réalité, c'est une partie des effets des péchés. Qala ta'ifa, un deuxième groupe a expliqué en disant bel tanqusu haqiqatan. Le deuxième groupe a dit non, mais plutôt son existence diminue réellement. Comme l'exemple que j'ai cité, au lieu de 70 60, au lieu de 50 40. Ça diminue réellement. Car les gens du premier groupe ont dit 70 c'est 70. Mais dans ces 70, il a fait peu de bien. Vous comprenez? Beaucoup de mal et peu de bien. Les autres disent non. Au lieu de 70, 60. Mafoum. Kama tanqusu rizq. Ils disent tout comme la subsistance, elle diminue pour de vrai. Son existence diminue pour de vrai. Faj'aluha Allah subhanahu lil baraka fil rizq asbaban. فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده. Puis Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous dit Allah a mis des causes pour qu'il ait la bénédiction dans les richesses des gens afin que ça l'augmente et ça le multiplie. Et de la même façon pour l'existence. Il y a des causes qui amènent la baraka et l'ajoutent le mada, la longévité. Donc la subsistance, c'est déterminé. Tout comme l'existence est déterminée. Tout comme le bonheur et le malheur. Tout comme la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté. Même si c'est avec le décret d'Allah, il y a des causes auxquelles on les a rattachées. Parmi ces causes-là, les bonnes actions et les mauvaises. Wa qala ta'ifa, le troisième avis est de dire ta'thir al-ma'asi fi mahq al-'umr innama huwa bi anna haqiqat al-hayat hiya hayat al-qalb. Ça on le note. Le troisième groupe a dit l'effet des péchés et les conséquences du péché dans l'anéantissement de l'existence désignent le fait que la vie réelle, c'est la vie du cœur. La vie réelle, c'est la vie du cœur. وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكَافِرَ مَيِّتًا غَيْرَ حَيٍّ كَمَا قَالَ تَعَالَى أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ فَالْحَيَاةُ فِي الْحَقِيقَةِ حَيَاةُ الْقَلْبِ وَعُمْرُ الْإِنسَانُ مُدَّةُ حَيَاتِهِ فَلَيْسَ عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها. Ce passage est magnifique. Comme le reste du livre, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, la vie réelle, c'est la vie du cœur. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas l'iman, Allah les a appelés morts, ils sont morts. Celui qui n'a pas la foi, il est mort. Ils sont morts et non vivants, comme dans le Coran, dans Suratou An-Nahl, verset 21. La vie réelle est donc celle du cœur. Et l'existence de l'homme consiste en la durée de vie de son cœur. L'existence de l'homme, c'est pas de sa naissance jusqu'à sa tombe. C'est les moments où son cœur était vivant. Ainsi, son existence n'est que le temps pendant lequel il vit par Allah. C'est là le temps de son existence. Ainsi, la bonté, la piété et l'obéissance augmentent ce temps qui est la réalité de son existence et il n'y a pas d'existence en dehors de celle-ci. Tout le temps que ton cœur a vécu, de par l'évocation d'Allah, de par son amour, sa crainte, son espérance, de par la salat, la zakat, son obéissance, ça, c'est les moments où ton cœur était vivant, donc ta personne. Tous les moments d'insouciance, de haram, de péché, le cœur était mort, donc la personne, ce temps-là, était morte, et c'est pas compté dans son existence. C'est comme si ce temps-là, il était mort, il est entre parenthèses. C'est ainsi que la personne, si elle est dans les péchés, son existence diminue. Son existence diminue. Donc on retient ça. En somme, le serviteur se détourne d'Allah et se consacre au péché. Il perd les jours de son existence réelle, dont il trouvera les conséquences au jour où il dira Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais œuvré pour ma vie future. Ainsi, il voit ou non ce qui comporte son intérêt en ce bas monde et dans l'au-delà. S'il ne le voit pas, il aura perdu toute son existence, sa vie aura été inutile. Alors que s'il le voit, son chemin se prolonge en raison d'obstacles. Et ses moyens d'accomplir le bien se compliquent en fonction de sa préoccupation en des choses opposées à cela. Et c'est là la réalité de l'écourtement de son existence. C'est-à-dire, il va se mettre son temps dans les péchés, il va avoir des obstacles pour faire le bien. Ainsi, il va mourir sans avoir concrétisé ce pourquoi il a été créé. Donc tout le temps qu'il a passé dans le haram, il était mort. Le reste, ce qu'il a passé dans le bien, c'est ça sa vie. Donc elle a été écourtée. Elle a été écourtée. Pour faire des péchés, il faut du temps. C'est pour ça que les savants disent Ibn Adam, occupe-toi. Parce que si tu n'occupes pas ta personne par le bien, elle t'occupera par le haram. Pour faire le haram, il faut faire des plans. Réfléchir comment faire le péché, c'est du temps. Ensuite, il faut sortir, c'est du temps. Ensuite, il faut le faire, le trouver, c'est du temps. Quand il finit, il pense à le refaire. Et comment il va le refaire? Comment il va l'attendre? Il dépense. Il faut de l'argent? Il va chercher de l'argent pour faire le péché. Il faut voyager? C'est du temps. Tout ce temps-là, il n'était pas pour Allah Azza wa Jal. Il n'était pas pour son cœur. Donc il était mort en réalité. Il était mort en réalité. Prenez l'exemple de celui qui fait le wudu chez lui pour aller au masjid. Il fait le wudu, ses péchés sont tombés. Chaque pas, on élève d'un degré. Pardonne des péchés. Il arrive au masjid, il fait du'a. Il fait du'a, car il s'assoit, il est en prière. Les anges font du'a pour lui. L'adhan, il répète. La shafa'a du prophète sallam. Du'a entre l'adhan et qama, accepté. Salat. Puis il fait la prière obligatoire. Combien de hasanat du moment où il a fait le wudu au moment où il a fait la prière obligatoire? Peut-être que tout ça, ça a pris 10 minutes, 20 minutes. Naam. Celui qui fait le péché, comme il était occupé au péché, il n'est pas venu au masjid. Au début, il ne laisse pas ça. Mais il délaisse le masjid. Ça, c'est un exemple pour illustrer tout ce qu'on a dit. Il a perdu combien de biens? Pour un haram, il était sur internet ou il était yani autre. Naam. Il était dans un travail haram ou il volait ou autre. Wal'iyadu billah. Combien de hasanat il a perdu? Combien de péchés effacés il a perdu? Combien de? Wallah musta'an. Donc on retient ce point très important. La vie du cœur, la vie de l'homme, c'est la vie qu'il a passé le cœur vivant de par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le temps, c'est ra'sul mal, c'est la chose la plus importante que tu possèdes ou ne possèdes pas. Allah azza wa jalla a juré par le temps dans de nombreux versets du Coran, wal 'asr wa shams wa duhaha wal layl. Naam. Et Allah azza wa jalla en a fait un signe, la succession des jours et des nuits. Et il en a fait un moment où on peut se rappeler et méditer, comme dans Sourate Al-Furqan. Et un lieu où on peut se repentir. Naam. Ce temps-là, si tu ne l'utilises pas pour toi, il sera contre toi. Et sur ce temps-là, tu seras questionné à Malqiyam. Et les plus prédécesseurs nous disent, de perdre son temps, c'est pire que de perdre son argent. Et de perdre sa santé. Parce que l'argent et la santé, tu peux la remplacer, et le pire qui puisse t'arriver sur ta santé, c'est la mort. Et la mort, c'est obligé de l'atteindre. Alors que le temps ne se rattrape jamais. Le temps ne se rattrape jamais. Tu peux pas revenir, tu peux pas rattraper. Mais tu peux te repentir et œuvrer pour la suite. Non. Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit, si on a compris le troisième point, on comprendra alors que la vraie vie de l'homme ne s'arrête pas avec sa mort. Mais elle commence. Et on l'appelle, comme l'ont dit certains savants, la deuxième existence. La deuxième existence. Et tout ce qu'il a semé dans ce bas monde, il le retrouve dans sa tombe, c'est comme une autre vie. Et il reçoit aussi les éloges des gens, c'est comme une autre vie. Et si mes souvenirs sont bons, dans le poème d'Ibn Rajab, Dham Qaswat al-Qalb, il fait référence à cela. Et il y a un verset dans le Coran qui nous informe de cela. Lequel est-il? Comme quoi, après la mort, on donne encore au serviteur le khayr. Dans Surat Yasin. Naam. Inna nahnu nuhyil mawta. Nous, assurément, nous ferons vivre les morts, wa naktubu ma qaddam. Et on inscrit ce qu'ils ont avancé, ça c'est dans ce bas monde, wa athara. Et les effets de cela, ça c'est dans l'au-delà. Ça c'est dans l'au-delà. Wa bil jumla, fal 'abdu idha 'arada 'an Allah wa ishta'ala bil ma'asi, dha'at 'alayhi ayyam hayatihi al-haqiqiyyah allati yajidu ghibba idha'atiha yawm al-qiyamah. Wa yaqul aw yawma yaqul ya laytani qaddamtu li hayati. وسر المسألة جسوت un petit passage أن العمر أن عمر الإنسان أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والترعم بحبه وذكره وإيثاره مرضاته. On note aussi cette phrase, la clé de ce problème là, yani comment obtenir cela. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, le secret de tout ça, c'est quoi? c'est que la vie n'a aucun sens tant qu'elle n'est pas dirigée vers son Seigneur. L'existence de la personne, le temps de son existence, ou plutôt la vie de la personne et le temps de son existence. La vie de la personne et le temps de son existence. Et il n'aura pas été vivant dans ce temps-là, si ce n'est le temps qu'il a passé dirigé vers son Seigneur. Si ce n'est le temps dirigé vers son Seigneur. Pour jouir de son amour, de son rappel, dans l'espoir d'obtenir son agrément. Ça, c'est le résumé. Ça, c'est le résumé. On va s'arrêter là. Et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Là, j'ai lu que quelques pages. Sur les effets, j'ai lu juste 3 pages. Et il y en a des dizaines encore. Et il y en a encore des dizaines. Allahumma sallim sallim. Le prochain, pour vous tenir en haleine comme ils disent, c'est أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. C'est que le péché fait naître un autre péché. Et ils s'enfantent les uns les autres. C'est-à-dire à chaque fois que la personne tombe dans une faute, ça la pousse à tomber dans une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, jusqu'à ce qui arrivera, ce que va citer l'auteur. Et je l'ai dit et je le redis encore, cette page-là, sur laquelle je m'arrête, c'est une des meilleures pages du livre. Et une des plus profitables. Et à chaque fois que tu arriveras à une autre, tu penseras à cela. À chaque fois que tu arriveras à une autre, tu penseras à cela. Rahmatullah ala al-allamati ibn al-qayyim wa ala ulama'ina linus'ihim wa nashrihim din Allah subhanahu wa ta'ala. الله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لتوبة نصوح اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا من أثر الذنوب والمعاصي ويسر لنا توبة نصوح وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. La rentrée pour ceux qui se sont inscrits au cours d'arabe, donc c'est cette semaine-là. La rentrée pour ceux qui se sont inscrits au cours d'arabe, c'est cette semaine-là. Il reste quelques places dans certaines classes. La rentrée pour ceux qui se sont inscrits en cours de Coran, c'est également cette semaine-là. Il reste quelques places, particulièrement le jeudi. Naam. Et les femmes ont déjà fait leur rentrée la semaine passée. La rentrée des femmes pour le cours de Coran sera au début octobre. Et la rentrée pour les hommes et pour les femmes du cours de sciences avec moi-même sera aussi la première semaine du mois d'octobre. Le 2 pour ceux du mardi et le 6 pour ceux du samedi, si mes souvenirs sont bons. Et la rentrée pour les cours du vendredi, c'était aujourd'hui, Inch'Allah, on continue cela. Et par la suite, les cours seront après le Maghrib. Dans un futur, Inch'Allah, les cours seront au Maghrib, car le Asr commence à être tôt pour qu'on puisse venir pour le cours. Jazakumullahu khayran. Lisez et relisez et notez ces points-là et propagez-les. Naam, propagez-les. Et Inch'Allah, vous allez être la cause d'un grand bien. Certains ont arrêté des grands péchés par cette cause. Wallah. Certains ont arrêté des grands péchés par cette cause. Et sinon, on peut être une clé du bien et se faire du bien à nous-mêmes en premier lieu. Allez, c'est un grand bien. Barakallahu feikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.